make me perfect copy. She can get a taste. She can get a taste. Wouldn't say, say. It's all the same like Mary Kate. Yeah, that's cool, but he ain't like me. C'est bon, ça, on est dans Bootleg Fun sur Fun Radio. Je pense que Maestro est littéralement amoureux de ce morceau. Comme dit Taiga, oh yeah, that's cool. Oh yeah, that's fucking cool. On adore ça, c'est ici sur Fun Radio. Vous l'avez compris, toutes les semaines, on va vous faire découvrir plein de remixes, plein de bootlegs, des mashups. Il y aura le remix de la semaine qu'on vient d'écouter à l'instant, le remix old school, le remix belge. Et puis on va arriver sur la partie que je préfère, juste avant Party Fun. À partir de 21h, Party Fun, ça démarrera. Et bien, c'est maintenant Maestro qui va s'installer au platine. C'est la partie où je travaille. Voilà, c'est ça. C'est la partie où enfin je travaille. Voilà, fini de glander, fini de danser dans le studio. Tu vas danser derrière les platines. Tu peux déjà aller t'installer puisque Maestro va nous faire un mix spécial bootleg fun uniquement avec des bootlegs et juste des ça, remixes. Que des remixes. Voilà. Si vous en avez aussi, vous, des bootlegs et des remixes, eh bien, n'hésitez pas. Vous nous les envoyez. On les diffusera ici sur Fun Radio s'ils sont bons. L'adresse, tu t'en souviens, mon Maestro? DJ@funradio.be. Et ben voilà, c'est le meilleur. Il se met derrière les platines maintenant avec le mix de bootleg fun sur Fun Radio. Bonne soirée, tout le monde. Tous les vendredis, c'est Bootleg Fun avec Maestro et Oli sur Fun Radio. DJ Maestro, Maestro, Maestro, Maestro, Maestro, Maestro. Yo, can't stop us, don't stop us, can't stop us, don't stop, come on, can't stop us, don't stop. It's about to get hot, real hot. Tell you right now, split on the floor, girl, and show them how your technique is outstanding.

Greg Fun. Siga ahí, Matías. Yo te voy a dar duro por que sea. Te voy a jalar tu pelo por lucía. Pégate pa' darte una barriga. Cuando llegue el otro día, me voy a decir una perdida. On est sur Fun Radio, Bootleg Fun, et ça c'est une rentrée comme je les aime, mon maestro. Il est super chaud, vraiment. À fond, sincèrement, ouais. Je suis super content, en fait, de pouvoir retrouver l'émission et de retrouver les auditeurs de nouveau, en plus, pour une nouvelle saison. C'est reparti. Mais je crois que t'as envoyé de la bonne vibe. Je n'osais même pas parler pour te dire. Je voulais pas couper ton mix tellement j'étais chaud. On est en train de danser dans les studios. Si vous voulez le voir mixer en live aussi, ça se passe via la Funvision sur l'application Fun Radio BE. Également sur notre tout nouveau site internet. Vous allez cliquer sur le petit play au-dessus. C'est super beau, en plus. Et vous allez voir, ouais, vous allez voir tout ce qui se passe ici en studio. Maestro au platine, ça va continuer dans Bootleg Fun jusqu'à 21h. Mon maestro, tu nous cales quoi là pour la suite? Là, il y a le Clean Bandit qui arrive solo, mais avec une surprise, sincèrement, dans le morceau pour ceux qui aiment aussi un peu le old school. J'en dis pas plus. Là, j'aime quand il y a des surprises de maestro. Ça arrive tout de suite sur Fun Radio, bougez pas. Bootleg Fun, le rendez-vous des meilleurs bootlegs, mashup et remix sur Fun Radio.

Situation that you call the beaner. You be a true player, you Sugar baby, no way. But she caught me on the counter. Was me. Saw me banging on the sofa. Was me. I even had her in the shower. Was me. She even caught me on camera. Was me. She saw the marks on my shoulder. Was me. Heard the words that I told her. Was me. Heard the screams getting louder. Was me. She stayed until it was over. Leg. Fun. C'est comme ça que ça se passe sur Fun Radio, avec Maestro au platine dans Bootleg Fun. Vous l'aurez compris, c'est ici que vous allez entendre les meilleurs remixes, les meilleurs bootlegs, le Maestro qui est super chaud. N'hésitez pas à demander des sons si vous voulez les entendre. Ça se passe par SMS sur le 3044. Via nos réseaux aussi, Snapchat, également Instagram. On est là, on continue avec Maestro. Il aime tellement le Taiga qu'il va vous jouer encore du Taiga là ici sur Fun Radio. Bootleg Fun, on est là jusqu'à 21h, juste avant Party Fun sur Fun Radio. Got you feeling nice. Oh, Kawasaki by the liquor bite. Rich, fresh, day, rich, you know what I like. Work, girl. Going overtime. Girl, you look good, won't you? You know the line. Work, girl, I'm trying to get you, wet. Work, girl, I'm trying to get you, wet. Work, girl, I'm trying to get you, wet. Work, girl, I'm trying to get you, wet. Finger to the hundreds. If you act like you want it, I could put you on it. Too blessed to be stressed, sex in the morning. You can have my t-shirt if you really want it. Trunk in the front, pop that, pop that, pop that, pop, pop, pop that. If I gave you my number, better hold that. And the party going dumb, whole squad max. And I just threw 20 in the strip. Hey, hey, 60 on my wrist. Hey, 100 on my neck. Saucy with the drip. Could it be my cash? Why you on my dick? Girl, I'm trying to get you, wet. Work, girl, I'm trying to get you, wet. Work, girl, I'm trying to get you, wet. Work, girl, I'm trying to get you, wet. Girl, I'm trying to get you, wet. hot night. Let me holler. Leg. Fun.

vous ai dit que dans cette émission, on allait partir dans tous les sens. J'en perds mes mots tellement on est super chaud là. Ça donne évidemment envie de sortir. C'est comme ça que ça va se passer tous les vendredis, hein, les amis. Notez bien le rendez-vous. Bootleg Fun, 19h-21h, juste avant Party Fun. C'est juste le meilleur moyen de démarrer le week-end. En parlant de sortie, puisque tu nous chauffes là avec plein de sons, ben, tu seras où ce week-end, Maestro? Bah, si vous voulez, en fait, demain, il y a une summer closing en plus avec, en partenariat avec Fun Radio, donc qui est à As, le Barabunda. Donc, en fait, c'est son dernier samedi. Donc, ils arrêtent, voilà, parce que l'été est fini aussi. Ça se voit un peu à la météo, mais il va faire bon en plus demain. Donc, Barabunda, demain, je serai là de 20h à 1h. Et puis, je pars de faire un set de 2h à 4h. Je serai au Startup Club, donc du côté d'Anderlu. Et ben voilà, encore un week-end bien chargé. Ça démarre le vendredi avec Bootleg Fun. Et puis, ça mixe tout le week-end. Et je peux vous promettre que quand Maestro est au platine, eh bien, il y a de l'ambiance. Ça va continuer d'ailleurs jusqu'à 21h. À partir de 21h, ce sera Party Fun sur Fun Radio. Et pour aller jusque-là, mon Maestro, tu sais déjà ce que tu vas jouer ou pas? Je vais mettre un nouveau remix. Donc, ça s'appelle Fisher Losing It. Ouais. Et donc, j'ai déjà un remix de ce morceau. Donc, c'est un morceau un peu house électro qui va être un hit. Sincèrement, ça va être un hit en club. Et j'ai déjà un remix. Bon, eh ben c'est parti. C'est dans quelques minutes sur Fun Radio. Bougez pas, Bootleg Fun. Bootleg Fun, le rendez-vous des meilleurs bootlegs, mashup et remix sur Fun Radio. Ouvert aux Anversois, aux Waterlootois et à ceux qui ne quittent jamais la capitale. Bref, ouvert partout en Belgique. Basic Fit, ouvert à tous, à 19,99€ par mois. Avec plus de 170 clubs en Belgique, il y a toujours un Basic Fit près de chez vous. En ce moment, fitness gratuit jusqu'au 1er novembre et un sac offert. Offre sous condition, voir sur basic-fit.be. CEA fait 20% de réduction sur toute la collection enfant. Hein ? 20% de réduction sur toute la collection enfant chez CEA. Combien ? 20%, on y va ! Maintenant chez CEA, 20% de réduction sur toute la collection enfant, en ligne et en magasin. I'm amazed you still try to take me back to the start. But I'm drawing the line. No, you're too late. And you know I'm right. You're too late, too late, too late. Too late to fight and care for me. Too late to hide the past and disagree. Too late. I'm following the tide. I'm choosing from now on. I get somewhere somehow. And I hope the memories will keep on drifting away. So I don't picture us anymore. Slowly the memories will drift away. And I won't wait for you at the door. Cause it's too late to fight. Too late to beg again. Oh, you're on your knees. Too late to say you love me. Bootleg Fun avec Maestro et Oli sur Fun Radio. Push. Now it's hard to breathe. you put your arms around me. Then you put your charms around me. We stare into each other's eyes, and what you see is no surprise. Got a feeling lost for treasure, and a love so deep we cannot measure. Got a feeling lost for treasure, and a love so deep we cannot measure. On est sur Fun Radio, Bootleg Fun, c'est comme ça que ça se passe tous les vendredis entre 19h et 21h. C'est juste la meilleure façon de commencer le week-end avec mon maestro qui a été très très chaud là pour cette rentrée. Je suis vraiment super content. Oui, franchement, moi aussi, comme je vous l'ai dit, ça fait trop plaisir de retrouver Bootleg Fun après, je pense, 3 ans d'absence. Donc c'est cool, j'espère que vous avez kiffé. Exactement, n'oubliez pas que vous pouvez toujours envoyer vos bootlegs sur dj@funradio.be. On les jouera dans l'émission. Et si on veut venir faire la fête avec toi, mon maestro. Donc demain, je serai au Barabunda à As et puis au Startup Club aussi à Honda. Et bien voilà, comme ça tout est dit, et puis on sera de retour évidemment sur Fun Radio vendredi prochain à partir de 19h. Et dans un instant, c'est Party Fun qui va démarrer avec l'ami Axel. Hello, hello les amis, comment ça va? Mais ça va très très bien, c'est une belle rentrée, tu vois, on est content. Bah ouais, on est là, on est bien. Ce soir, il y a du lourd puisque Art, nouveau DJ résident Party Fun, yeah, arrive dans la famille. On va le recevoir, il fait sa première, il est un peu stressé, mais ça va bien se passer. Bah oui, c'est normal, il rejoint la team en tout cas des DJ Party Fun puisqu'il a gagné le mix de l'été. Vous allez en parler ensemble. Yes. Je vous laisse, faites une bonne émission parce que la fête, elle se passe ici sur Fun Radio. Et puis on se retrouve donc le week-end prochain, vendredi, à partir de 19h. Bonne soirée tout le monde, ciao. P-A-R-T-Y-F-F-U-N Bienvenue dans le plus grand club de Belgique. On y est, la rentrée de Party Fun, c'est là, on va être tous les soirs, tous les week-ends plutôt, le vendredi, le samedi, entre 21h et 3h du mat à peu près. Tous les meilleurs DJ de Belgique vont se succéder. Et pour cette rentrée, on vous a amené quelqu'un qui vient de rejoindre la team. Il s'appelle Art, il a 18 ans, il vient de Virton, vous l'avez suivi tout l'été sur les réseaux sociaux, puisqu'il a participé au mix de l'été, c'était le grand concours pour remporter sa chance et devenir DJ résident Party Fun. Bonsoir Art. Bonsoir. Comment te sens-tu là, à quelques minutes de prendre les platines pour la première fois sur Fun Radio? Bah alors je suis à la fois stressé et excité, mais c'est toujours bien d'avoir un petit peu de pression, donc je me fais pas trop de soucis pour le mix. Ça fait combien de temps que tu mixes toi? Ah bah alors ça fait quand même longtemps, hein. J'ai commencé à l'âge de 10 ans. Ah ouais. Donc bon, évidemment à 10 ans je faisais pas encore ce que je faisais maintenant, mais Oh t'aurais pu. T'aurais pu. Quel dommage. Et là, aujourd'hui, maintenant, tu te retrouves sur Fun Radio. C'est quoi? C'était ce que tu avais envie de faire? Tu voulais arriver sur Fun Radio? Ah oui, clairement. En fait, je me souviens très bien. Je crois que je devais avoir 14-15 ans. Et là, je demandais à un DJ, dis, tu sais pas comment est-ce que je ferais pour pouvoir mixer en radio et tout. Il me dit, bon, calme-toi un peu. Avant, comment? Fais 2-3 mariages, des trucs comme ça. Et après, on en reparlera. Et maintenant, ça fait vraiment clairement partie de mes rêves d'être sur la radio. Et j'y suis enfin, quoi. On y est, vendredi 31 août 2018, la première de Art. Je vais t'inviter à rejoindre le DJ Booth dès maintenant. Juste tes deux premiers sons que tu vas jouer là ce soir. Alors je vais jouer un remix de Shape of You, ouais. Et ensuite je vais jouer un de mes propres remix. Je préfère vous laisser la surprise pour la suite. Bon, et bah écoute, va t'installer. Ça va être à toi dans 3 minutes, même pas, dans 30 secondes. Le temps que tu te mettes derrière les platines. Le temps pour moi de vous dire que dès 23h dans Party Fun, on va retrouver Cardel. À 22h, ça sera Tony P. Ils sont encore là tout au long de cette saison dans Party Fun sur Fun Radio. Et puis donc là, on va laisser la place à Art, grand gagnant du mix de l'été, pour son tout premier set ici sur Fun Radio. C'est quand tu veux, mon pote. Tu y vas. Best place to find the lovers at the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Oh, I'm in love with your body. A ticket and I'll make you fly over. You won't make it through. I need some love to get a little bit sober. Won't say goodbye. You won't regret when you're a little bit older. Because whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. You can always play by ear. And that's the deal, my dear. Non-stop. Non-stop pendant le week-end. C'est Party Fun. C'est Party Fun sur Fun Radio. Talk to me, tell me about all your insecurities. Bonne soirée tout le monde, on est là pour Party Fun sur Fun Radio avec la toute première de Art, jeune DJ, 18 ans, il vient de Virton et le gars est juste bon en fait, tout simplement. Faudrait juste que tu baisses le retour derrière s'il te plaît, sinon on entend les platines. Art, on va revenir dans moins de 40 secondes, juste le temps pour toi de nous dire ce que tu vas jouer. Alors ce que je vais jouer une exclue d'un autre DJ producteur de ma région qui s'appelle Goldaze. Ok. Un de ses tracks qui n'a jamais été joué encore. Puis je vais jouer ma toute dernière musique qui va être jouée pour la première fois en radio et sur Fun Radio. Ok, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Hurry Up. Ok, bah ça va arriver là dans 40 secondes. Vous bougez pas, c'est Party Fun. On est ensemble jusqu'à 3h du mat sur Fun. Party Fun. Sur Fun Radio. Ouvert aux Anversois, aux Waterlootois et à ceux qui ne quittent jamais la capitale. Bref, ouvert partout en Belgique. Basic Fit, ouvert à tous, à 19,99€ par mois. Avec plus de 170 clubs en Belgique, il y a toujours un Basic Fit près de chez vous. En ce moment, fitness gratuit jusqu'au 1er novembre et un sac offert. Offre sous condition, voir sur basic-fit.be. 40 minutes de mix dance non-stop. Non-stop. C'est Party Fun sur Fun Radio. One look, I was caught off guard. Like a shot to the heart.

Party Fun sur Fun Radio. Fun Radio. Non-stop. Non-stop. Pendant le week-end. C'est Party Fun. C'est Party Fun sur Fun Radio. You're the one I watch your eyes. Let me love you. You're all I like. Soirée, c'est Party Fun, on est en direct jusqu'à 3h du mat et pour le moment c'est Art gagnant du concours du mix de l'été qui est en train de faire sa première avec dans un instant le son de Get Get Done de Retrovision et puis un remix d'All Star de Martin Solveig dès maintenant dans Party Fun sur Fun Radio. We all shine, we all chrome, and we all shimmer, turn on, turn on. party, left to the right. Liquor we a beat, no Smirnoff ice. Girl them a up on the thing like vice. I me slam dunk in a them just like Mike. Just like a buckle of Sprite. Eyes closed so me can't tell day from night. Girl them say them want smoke from pipe, so this me ignite. Everybody now, jump to the right, jump to the left, jump to the right, jump to the left, jump to the front, jump to the front, jump to the back. Non-stop. Pendant le week-end, c'est Party Fun sur Fun Radio. Party Fun, on est là les amis comme chaque week-end jusque 3h du mat. Et ce soir c'est Art qui fait sa toute première, gagnant du mix de l'été. Tu te sens bien, ça fait 3 quarts d'heure que t'es derrière les platines. T'es comment là? Là je suis à l'aise, là c'est bon, on m'a amené une grenadine, j'ai passé des exclus, je suis bien mis là. Merci pour la grenadine. Merci Antoine. On a des messages qui arrivent au 30-44, il y a beaucoup de gens qui nous demandent si avant la fin tu peux rejouer ton titre Hurry Up. Est-ce que tu pourrais faire ça avant la fin là de l'émission de ton set? Donc d'ici un petit quart d'heure, tu vas jouer quoi hormis Hurry Up du coup? Alors je vais jouer une exclue donc de mes potes Calumny, donc leur remix de Mafiosa. Ok. Ensuite je vais jouer un remix personnel de Orelsan Basic. Bien. Et en fonction du temps qui me reste, peut-être que je jouerai encore quelques petites autres musiques. Bon, ça va suivre ça dans quelques minutes. Vous restez là, c'est Party Fun. On est ensemble jusque 3h du mat sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Party Fun. Party Fun sur Fun Radio. Fun. Tous les samedis, 17h-19h, c'est la Fun List avec Samy. Pendant 2 heures, découvrez le classement des 20 bombes dance floor que vous préférez. Faites évoluer le classement en temps réel en votant pour les titres que vous kiffez sur funradio.be. 17h-19h, le samedi, c'est la Fun List sur Fun Radio. Le son dance floor. Ouvert aux Anversois, aux Waterlootois et à ceux qui ne quittent jamais la capitale. Bref, ouvert partout en Belgique. Basic Fit, ouvert à tous, à 19,99€ par mois. Avec plus de 170 clubs en Belgique, il y a toujours un Basic Fit près de chez vous. En ce moment, fitness gratuit jusqu'au 1er novembre et un sac offert. Offre sous condition, voir sur basic-fit.be. Fun Radio. Maintenant, plus

I can't deal with it. C'est comme ça chaque week-end avec la première de Art, grand gagnant du mix de l'été. Et le son de Emma Hood, c'est Clément Leroux. C'est exact, ça, hein. Exact. C'est un son qu'on t'a demandé de passer en fait. Ouais, c'est ben en fait c'est moi qui l'ai entendu et je connaissais la chanteuse et je lui ai dit il faut que je le passe parce que il est vraiment pas connu le morceau et il faut qu'il soit connu quoi. Donc et donc il est connu puisqu'il vient de passer dans Party Fun sur Fun Radio. Art, ça y est, t'as fait une heure en allez 4 mots. Tu t'es senti comment? Est-ce que t'as hâte d'être à la semaine prochaine? Alors 4 mots, ça risque d'être compliqué parce que. Non, y a, vas-y, développe. Y a beaucoup, mais en tout cas, vraiment, c'était une super expérience et vu que je serai là chaque fois, je pourrai le vivre toutes les deux semaines parce que c'est toutes les deux semaines en fait que je passerai sur Party Fun. Oui, c'est vrai, la semaine prochaine, ça sera Team Light. Exact. Ok, c'est vrai. Ce qui me laisse un peu plus de temps pour préparer encore mon set et trouver encore plus d'exclusivité. Bon, eh ben écoute, en tout cas, on va être très heureux de te retrouver d'ici deux petites semaines dans Party Fun. Ça sort sur Fun Radio. Ouais, c'est vendredi, fin de semaine, c'est compliqué, mais on va continuer, nous, jusqu'à 3h du mat. Merci, Art. Merci à vous. Qui est devenu très beau t-shirt, je tenais à te le dire. Je suis prêt, si tu veux. Je suis pas sûr de rentrer dedans, mais et j'aime beaucoup un t-shirt Back to the Future. Vous pouvez venir sur la Funvision, funradio.be. Art, on te retrouve donc dans 15 jours. La semaine prochaine, à cette heure-ci, ça sera Team Lights. Et puis nous, on va partir dès maintenant avec Tony P au platine de Party Fun jusqu'à 23h avec d'ici quelques minutes le son du DJ Liam Summer. On va retrouver également Burns avec Maluma et Rachel Rudd. Ce sera juste après Liam Walker, Noah Cyrus et Digital Form Animal pour All Falls Down. Bonne soirée tout le monde. Salut. Trick. I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been, and I know you wanted to. All it takes is that one look you do, and I run right back to you. You cross the line, and it's time to say F you. What's the point in saying that when you know how I'll react? You think you can just take it back, but shit just don't work like that. You're the drug that I'm addicted to. Cause when it all falls down, then whatever, when it all falls down. Why we fight? I don't know. We say what hurts the most. Oh, I try staying calm. Will you take it personal? All these firing shots are making ground. It's way too hard to call. Busted. Can't let you go. 'Cause man. Let him out to take one month's gone, three turns to trash. for it turns to trash, yeah. You throw your hips to the side, yeah. You got spice in your mind, don't know. You got your ass in my eyes, yeah. We got plans that we keep them low. Don't change your mind, yeah. You got spice, but your friends don't know. We got plans, but we keep them low. We move fast, then we take it slow. Baby, keep your hands on me. Know that I should leave, but I just can't leave you. Know you feel my energy. If I took your heart, but I didn't mean to. Baby, keep your hands on me. Know that I should leave, but I just can't leave you. Know you feel my energy. If I took your heart, but I didn't mean to. If I took your heart, but I didn't mean to. Took your heart, but I didn't mean to. I can now read your mind. Don't think that I'm just talking trash. I know you want me, surely. Night's already passed, it's getting early. Roll some weed, call on some girls. Only if the vibes are right. I want you all to myself. I'm trying to blow your mind. Threesome, my friends overheard me. I left the girl, now she wanna hurt me. Spending my cash in a hurry. Distant, that's what the tears do. Don't go behind my back. If there's another, just fill me in. I'm so, so deep in. Here you go pouring your heart out again. Don't go behind my back. If there's another, just fill me in. I'm so, so deep in. Here you go pouring your heart out again. If I took your heart, but I didn't mean to. Took your heart, but I didn't mean to. Couldn't afford to waste any time. I know she want me, she's so insane. I'm living up a natural high. One time, baby, slow wine, slow wine. Got me infatuated, you so fine. Every time you step out, homicide. Make a mind, I gotta make a mind, yeah. Island girl like Rihanna. And she got potential, put that Birkin rag on her. Yeah, I let her lead and I follow. Yeah, and I'ma leave on a high note. Baby, keep your hands on me. Know that I should leave, but I just can't leave you. Know you feel my energy. If I took your heart, but I didn't mean to. If I took your heart, but I didn't mean to. If I took your heart, but I didn't mean to. Wait. Red dress on, ooh baby slay. Got me wrapped all around your fingers, but don't make me wait. I've been patient, but patient with you, girl, no more for play. Let's go all the way, yeah. I got you, girl, no lying. Don't you worry, just keep rocking. We'll make the world stop and we'll be powerful. Baby, just know I got you, girl, no lying. Don't you worry, keep rocking. Can you hear me? I'm knocking at your door. So why don't you let me in? Hey, why don't you let me in? Your heart, I swear I'll never let go. I just wanna love you. I just wanna love you. Is it too much to ask? Is it 'cause I'm black? I really like you, I wanna show you how much you mean to me. Just how much you mean to me, my shitty. I got you, girl, no lying. Don't you worry, just keep rocking. We'll make the world stop and we'll be powerful. Baby, just know I got you, girl, no lying. Don't you worry, keep rocking. Can you hear me? I'm knocking at your door. So why don't you let me in? Hey, why don't you let me in? Your heart, I swear I'll never let go. love you. I just wanna love you. Is it too much to ask? Is it cause I'm wide? I really like you, I wanna show you how much you mean to me. Just how much you mean to me. Why don't you let me in? Yeah. Why don't you let me in? Your heart, I swear I'll never let go. Way back way, you know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. Time for I go. Higher powers taking hold on me. Baby, I need to know, where do you wanna go? Is it get down or take it slow? Make you under control. For my friends, nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Oh, tell me, I need to know, where do you wanna go? Cause if you're down, I'll take it slow. Et c'est toujours Party Fun. On est là en direct jusque 3h du mat sur Fun Radio. Je m'appelle Axel, Tony P est au platine. C'est la nouvelle saison de Party Fun qu'on enclenche dès ce soir. Tony P est là jusque 23h. Juste après, c'est Cardel qui va prendre les platines de Party Fun sur Fun Radio. Et dans un instant, le son de Right Now. On va retrouver Tony P et Baby sur un remix de cette année. Là, on va retrouver également Jonas Blue avec Molway Go sur un remix de Jack Wins. Le son de Natural Blues, Shotek et Moby arrive après Nadia Ali avec Alex Kenji et Star Killers. Et puis Feel the Love, voici Janiek, l'édite de Sam Felt dans Party Fun sur Fun Radio. They say that I'm a sinner, but I won't let you down. Chasing the stars till the sunrise. Out of the blue under blue skies, I saw the shape of my heart. Back at your place. Oh, oh, oh, oh. Every night it's keeping me awake. I keep thinking about all the things that I would change. I can go back. me hard, but there's no race. Never had a time to find our own pace. Oh, keeping me awake, I keep thinking about all the things that I would change. We can go back. Tell me, would you still believe in it? We can come back. Tell me, would you still believe in me? right now. comme chaque week-end, on ambiance toute la Belgique. Le club de référence, c'est Party Fun ici en direct sur Fun Radio jusque 3h du mat avec Tony P au platine qui envoie encore une fois du lourd. La preuve dans les prochaines minutes avec notamment J Balvin et Willie Williams sur un remix de Cédric Gervais. On va retrouver également Dub Boy. Ce sera juste après le gros son qui arrive. Young Felix, Poc et Dub Boy de nouveau sur ce morceau avec un remix de Bad Dimes. Voici Loco dans Party Fun sur Fun Radio. It's an andere trein, loco locomotief. It's an andere trein, loco locomotief. It's an andere trein, loco locomotief. Loco locomotief. Alles gestoord, dus nu wordt er gespend. Ben in de mode, we brengen die trend. Zoek geen probleem, en ik ben met de gang. Vraag me niets, ik weet niks. Alles heet, maar kom fris. Kom niet hier in de buurt. Heel je team is op niks. Blijf op afstand. Blijf op afstand. Blijf daar. Blijf daar. Blijf op afstand. Blijf op afstand. Blijf daar. Blijf. Kom niet te dicht bij mij. Kom niet te dicht bij mij. Kom niet te dicht bij mij. Kom niet te dicht bij mij. Ben in de club. Flessen gaan leeg, het is gelukt, dus hij wordt geleefd. Je vrouwtje loopt los, ik klemde meteen. Ik geef de bandjes met ANWB. Stek, stek, stek, geen baksteen. Er is plek, zij gaat mee. Jij haalt niet, blijf daar safe. J is kruis, zeg amen. Blijf op afstand, blijf op afstand. Blijf daar, blijf op afstand. Blijf op afstand, blijf daar, blijf. Kom niet te dicht bij mij.

Party Fun sur Fun Radio. Fun. City, see rap, that's the benefit. I came to your city, you fell in love with me. I smashed for the hell of it. My new chick is everything. Your envy is evident. I do not have time to talk about my past and all your stories, embellishments. I'll give you an hour or two, the best of your life you can relish in. Running around talking about these accomplishments, things that you never did, pounce the president. And Mike, it's been history ever since. My writer is whiskey and M&M's. I just popped a pill, I feel limitless. Bring them out, bring them out, bring them out, bring them out. the barrels in your mouth. Woo!